Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, les Saguenay de Chicoutimi étaient en action hier. Les Sags qui ont perdu hier par la marque de 4-1 contre la formation du Drakkar de Bécamo. Dans le match, faites noter que Mickey Sim à Washish a amassé une passe dans la rencontre. Et c'est Tristan Fortin qui a été le seul à déjouer les gardiens des Drakkars. Bonne nouvelle pour les Marquis de Jonquière. On a annoncé que Jérémy et Danick Malouin seront de retour avec l'équipe la saison prochaine. Donc, il y avait des rumeurs qui circulaient que Granby pourrait avoir une équipe l'an prochain. Et ça a retardé évidemment la mise sous contrat des frères Malouin, mais le tout a été confirmé hier. Bob Desjardins a mentionné qu'il est toujours en négociation avec l'ancien joueur du Canadien, Mathieu Hicard, pour qu'il évolue avec l'équipe la saison prochaine. Olivier Tremblay, tant qu'à lui, a pris sa retraite, ce qui force la direction des Marquis à se chercher un deuxième gardien but pour seconder Cédric Desjardins. Le camp d'entraînement du multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini va ouvrir le samedi 7 septembre de 20h à 22h. Ce sera dans le secteur de Debo si les travaux vont bien au complexe sportif du secteur de Debo. Sinon, ça va se faire à Mistassini. Les autres séances d'entraînement auront lieu le vendredi et samedi 13 et 14 septembre de 20h à 22h. Également le vendredi 27 et 28 septembre de 20h à 22h. Toujours dans le secteur de Debo Mistassini. Le sport local et régional à dans notre sport.com. On s'en occupe.